بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن ابن الناصر السعدي رحمه الله تعالى. أحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. كور نمرو 11 بار أبو يوسف عبد الله العاجي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع ثارهم واكتفاه، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. دوك مراجعة إن شاء الله دوك سكون بيوا كما بيت وكلما تكرر تقرب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله العلي الأرفق وجمع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل من العلم يزيل شك عنك والدرم، ويكشف الحق لذي القلوب، ويسهل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذين قد وفق. اعلم وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل علم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو غفرانه والبر. والنية شرط للسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، ودين مبني على المصالح في جلبها ودرء للقبائح. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد وقد يرتكب الأدنى من المفاسد. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه التعسير، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. دونك لو ديرني كور كون افي بري سون كونتي نعم du bayan exposé qu'on avait pu prendre sur le qawa, plutôt les mukhalafat qu'avait Cheikh, ou plutôt qu'a Cheikh Obey dans le qawa'id al-fiqhiya, on s'était arrêté sur la qawa'ida qui était al-darura tubih al-mahzourat. Donc on va faire une petite moraja à vite fait de cette qawa'ida là, histoire de se rafraîchir un peu la mémoire, qui peut nous rappeler qu'est-ce que al-darura shar'an. Le grand besoin d'un système, c'est lorsque tu es, c'est al-halatul mulji'a. Et à la trois normes. C'est-à-dire, la première, c'est ce qui va amener à ce que tu meurs sur le coup, sur le tas, même, ou pas, ou mourir par la suite. Ça va t'emmener directement à mourir, ou bien à mourir par la suite. Et troisième, une difficulté que tu ne pourras pas supporter. Ça, c'est la norme de la darwara, c'est ce qui regroupe ces trois choses-là. À partir du moment qu'elles sont observées, ça c'est ce qu'on appelle quoi? Ad-darwara. Et la qaïda qu'on a pu voir, c'est que ces cas-là, là, lorsqu'ils sont observés, ils autorisent, al-mahzourat. Ils autorisent que tu puisses t'adonner aux choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit. Pourquoi? Parce que ta situation fait que si jamais tu ne prends pas, comme on a pu le voir, ça va te ramener une difficulté. Et la difficulté, elle est repoussée dans l'islam. Quelles sont les choses de, ou plutôt quelles sont les sortes de muharramat qu'autorise ad-darurat? Quelles sont les choses interdites, quels sont les interdits qu'autorise ad-darurat? Ceux sur lesquels les religions sont unanimes, comme le mensonge, wa shirku billah azza wa jalla akhirahi, n'am. Comme l'a pu l'évoquer Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Et kadhalika, on a pu voir que ça autorise, il y en a les interdits qui sont, les choses qui sont interdites en elles-mêmes. Parce qu'on a pu voir qu'il y a deux sortes d'interdictions, celles qui sont interdites pour fermer la porte à d'autres interdits, et celles, certaines interdictions, elles sont interdites en elles-mêmes, comme c'est le cas de akl al-mayta, manger la bête morte et la khiri. Quelles sont les conditions de la ad-darura? Et avant cela, plutôt, ils sont au nombre de combien, ces conditions? Au nombre de 7. La première, il faut être sûr qu'on est dans le cas de darura, ou bien la forte présomption. Ça, c'est le premier, la première condition. La deuxième, il faut prendre que le nécessaire de la chose interdite. Comme a dit subhanahu wa ta'ala, فَمَنِ اضْطُرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِ فِي الْإِثْمِ. C'est-à-dire qu'il ne dépasse pas la quantité. Parce que dans ce cas-là, il n'est plus dans la darura. C'est-à-dire qu'il est en train de manger une chose qui est interdite. Faut pas qu'il y ait un autre moyen qui lui est permis. Et qu'à tel cas, ça rentre dedans si jamais tu trouves une chose qui est moins haram que l'autre. Parce que al haram, c'est une mafsada. Donc, comme on a pu le voir, فَإِنْ تَزَاحَمْ عَدَدٌ وَدِدَّهُ تَزَاحَمُ الْمَفَاسِدِ يُرْتَكَبُ الْأَدْنَى مِنَ الْمَفَاسِدِ. Lorsque deux mafsada s'opposent, tu prends celle qui est la moins nuisible. Il faut que cette chose-là, n'am l'interdit, il enlève le mal, il soit utile. Ça, c'est la quatrième condition. Sinon, il n'y a pas, ou le réduise, n'am. Sinon, ça n'a pas de sens. Il t'a donné une chose qui n'a pas de profit, qui t'enlèvera pas cette dorure, ou bien qui ne va pas l'amoindrir. Une, deux, trois, la quatrième. Il ne faut pas que ce soit dans le but de suivre ses passions. Tu veux dire par là que cette personne-là, il ne faut pas qu'elle soit la cause de cette darura. Il ne faut pas que ce soit lui-même qui s'est mis dans ce cas de darura. Comme a dit subhanahu wa ta'ala, فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَارٍ وَلَا عَادٍ غَيْرَ بَارٍ قَالَ شَيْخَ الْإِسْلَامِ شَيْخَ الْعَثَمِينَ, c'est-à-dire celui qui recherche à tomber dans le cas de darura. Et bien, dans ce cas-là, ce n'est pas autorisé pour lui. Pourquoi? Parce que c'est lui-même qui l'a cherché. C'est la cinquième. Non, on en a cinq là. Il manque kadhalika naham que ce soit pas la cause qu'il soit tombé dans la darura, qu'il ait fait une chose qui est interdite, qu'il ait fait une chose qui est interdite, comme l'a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahu ta'ala. À partir du moment que la cause qui t'a amené, qui t'a plongé dans la darura, c'est une interdiction, et bien il dit yani, ça ne fait pas, ça ne t'autorise pas. Donc là, ça fait 6 et la 7e, j'ai oublié. Faut être sûr qu'on est dans le cas de darura. On va réaliser la chose. Non, c'était rien, la 6e, oublié. Non, en fait, il y a une différence entre le fait de chercher l'interdiction, et le fait de vouloir tomber dans la darura, et le fait de ne pas vouloir tomber dans la darura, laquelle t'a fait une chose qui est interdite, qui a fait que t'es tombé dans la darura. Il est un peu similaire, mais il y a une différence entre les deux. C'est que le premier, il a l'intention de tomber dans le darura, et le deuxième, non. Il n'a pas l'intention, lakin, il a pris un moyen qui est, plutôt il s'est adonné à une chose qui est interdite, qui a fait qu'ensuite il est tombé dans le darura sans le vouloir. Et la sixième, Allah musta'an. Khair, inshallah. Donc, inshallah, on va poursuivre. قال رحمه الله تعالى وترجع الأحكام لليقين فليجز الشك لليقين. Dans ce poème, dans ce vers-là, Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala, il évoque une qa'ida parmi la qawa'id al-fiqhiyya, une qa'ida qui est nouvelle à ce qu'on a pu voir auparavant. Cette qa'ida, ou plutôt ce vers-là, il regroupe une qa'ida qui fait partie des plus grandes qawa'id dans le din. Dans ce vers-là, Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala, il nous fait part que l'ahkam shar'iyya, fait qu'elle tarji'u l'ahkam, l'ahkam shar'iyya, il veut parler l'ahkam shar'iyya, tarji'u lil yaqin. C'est-à-dire que lorsqu'on veut effectuer des jugements ou bien lorsqu'on veut valider des choses, des ahkams dans le din, des jugements dans la religion, il faut qu'ils soient basés sur al-yaqin, sur la certitude. فَقَالَ فَلَا يَزِيلُ أَشَّكْ لِلْيَقِينِ. À partir du moment où il y a un doute, ce doute-là, il ne peut pas être prévalu, t'as même sur al-yaqin. À partir du moment que c'est un yaqin dans une chose qui fait partie des, qui est relatif à une affaire religieuse, t'as un yaqin dedans, t'as une certitude, t'as même une personne ne peut pas venir avec un doute pour invalider le jugement que tu as émis ou bien une chose qui est relative à une affaire religieuse. Ça, c'est d'une manière globale ce que regroupe le vers de cette poésie-là, tamam. وَتَرْجِعُ الْأَحْكَامُ لِلْيَقِينِ فَلَا يَزِيلُ الشَّكْ لِلْيَقِينِ. Que les affaires religieuses sont établies et basées sur la certitude. هذه القاعدة, ou plutôt ce vers-là, comme on a pu l'évoquer, il regroupe une قاعدة qui est عظيمةٌ جدًا كما قال الشيخ عبد الله بن بسام عليه رحمة الله. C'est celui qui a écrit توضيح الأحكام في شرح بلوغ المرام, pour ceux qui connaissent. Un des élèves de l'imam Sa'adi, alayhi rahmatullah, il a évoqué que cette qa'ida fait partie, qui est une qa'ida parmi les plus grandes qawa'id dans l'islam. Et elle fait partie des qawa'id qui sont kulliya, c'est-à-dire qui ne souffrent pas d'exception. À chaque fois que tu vas trouver cette qa'ida-là, c'est-à-dire al-yaqin la yuzaluhu al-shak, ou la yuzaluhu al-shak al-yaqin, que la certitude, ou plutôt le doute, ne peut pas prendre le dessus et être prévalu sur la certitude, tamam. Il dit cette qa'ida-là, elle est kulliya, c'est-à-dire qu'elle ne souffre pas d'exception. À chaque fois que tu vas trouver que un doute et une certitude vont s'opposer, tu devras faire précéder quoi, tamam, faire prévaloir al-yaqin, c'est-à-dire la certitude sur le doute. Al-amthila ala dhalika, yanna kama qila, tamam, bil amthila tattadih al-maqal, par les exemples, yani c'est les exemples plus éclaircis, tamam, le parler. Mathalan, comme ça a été évoqué chez certaines personnes, l'islam de l'abbé Pierre. Al-ma'ruf, al-mutayaqqan, sur le jugement de l'abbé Pierre, c'est qu'il est mort sur la mécréance, tamam, il est mort sur la mécréance, ça c'est une chose qui est une yaqin, c'est un jugement de certitude qu'il y a auprès de nous. Certaines personnes sont allées au-dessus de cela et ont dit peut-être qu'il est musulman. Parce qu'il a fait du bien, ils ont évoqué des justificatifs. Lakin, ces justificatifs-là, ce sont des choses qui sont quoi ? Yani, maz'ouma, et kadalika, mawhouma. Ce sont des prétentions, et la prétention, kadalika, c'est une chose qui ne peut pas être prévalue sur quoi ? Sur la certitude. C'est-à-dire que nous, on avait des adillah, des arguments qui nous prouvent qu'il est mort sur la mécréance. On ne peut pas faire prévaloir le doute et la fausse présomption sur quoi ? Sur l'yaqin. Ça, c'est kadalika, ça, tarji' ila hadhihi al-qa'ida. Al-yaqin la yuzilu shak. Tu ne peux pas faire prévaloir le doute sur la certitude. On était sûr qu'il était mort sur quoi ? La mécréance. On ne peut pas venir ensuite douter avec certaines choses qu'il a fait. Tam, c'est ma'ruf, yani. La chose qui fait entrer la personne dans l'islam, tam, c'est ma'ruf. C'est pour le kafir qui est asli, c'est la ilaha illallah. Et il ne l'a pas dit. Donc, ceci est un doute et une fausse présomption, prétention plutôt. Kadhalika, min al-amthila ala dhalika, l'islam qui a été prétendu à Saddam Hussein. Nous, on aime ce qui est sûr, al-yaqin alladhi indana, la certitude qu'on a, c'est que avant sa mort, tamam, il a été constaté à cette personne-là, dikufriyat hatta kaffarahu Sheikh ibn Baz, wa kadhalika Sheikh Muqbil alayhi rahmatullah. Ils l'ont kaffar, tamam, pendant le vivant de Saddam Hussein, parce qu'il avait un mabda, tamam, il avait basé sa aqida sur quoi ? Sur le communisme et la khayri al-ba'thiyya, tamam. Hatta il a dit, si jamais une ayah venait contredire une loi de la ba'thiyya, c'est-à-dire une loi communiste, tu dois faire précéder quoi ? Le communiste au kitab d'Allah azawajal. Donc ça c'est ma'ruf, c'est un aqid min nawaqid al-islam, tamam. Donc ça c'est une certitude. Ce qui était prétendu, c'est quoi ? C'est qu'il a fait tauba, et même qu'il a dit la ilaha illallah. Mais c'est ma'ruf, il y a une différence entre quoi ? Celui qui est murtad, tamam, l'apostat, et celui qui est kafir asli. Le kafir asli, pour qu'il rentre dans l'islam, ma'ruf, c'est qu'il doit dire la ilaha illallah et hasuna islamuhu. C'est-à-dire que, et ensuite il ramène les droits de la ilaha illallah, min as-salat wa zakat ila akhirih, tamam, qui prouve que la foi elle est vraiment bien ancrée dans son cœur. Tamam. Et le hadith qui prouve cela, fi muttafaqan alayhi, anna nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam qala, na'am, amma 'alimta anna al-islam يزيل ما قبله تمام الاسلام يفاس les péchés qui les péchés antérieurs تمام les péchés antérieurs تمام donc ça c'est pour al kafir al asli c'est-à-dire que celui qui rentre dans l'islam parmi les kuffar il est demandé qu'il dise la ilallah et ça lui suffit comme tauba à partir du moment où النعم il aura ramené les droits du tawhid les droits du tawhid comme on l'a pu évoquer amal murtad تمام al murtad c'est une chose différente al murtad il faut qu'il fasse tauba pourquoi parce que c'est l'islam c'est le musulman qui a mécru après l'islam. Al-Murtad, ou Aman Kafara, Ba'da, Al-Iman, Ba'da, Al-Islam. Donc lui, il doit faire Tawbah. Et c'est ma'ruf, Ar-Riddatu, Ar-Ridda, l'apostasie, c'est un péché. Et les péchés, il faut se repentir, et ça, c'est un ijma. Que l'arabe, le musulman, il doit se repentir de tous les péchés. Kazalika Al-Murtad. Le fait qu'il a apostasié, c'est quoi? C'est un péché. Et il doit se repentir, c'est-à-dire, revenir sur ces choses-là. Et si jamais il a fait, en public, comme c'était le cas de Saddam Hussein, il doit l'évoquer kadhalika sa tawba en public, comme l'a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, et un exposé, et ensuite kadhalika que sa situation se soit bien assainie, c'est-à-dire qu'il a vraiment fait les choses et naham le pas vers ce qu'on va pouvoir trancher et dire que cette personne-là est vraiment délaissée, maintenant le communiste. La chose qui a été prétendue, c'est qu'il a dit la ilallah. Ils ont dit la ilallah, ça lui suffit pourquoi? Ou plutôt certaines personnes ont dit le fait qu'il a dit la ilallah, yani ça fait de lui un musulman par rapport aux hadiths qui sont nombreux qui prouvent que celui qui dit la ilallah va mourir, il rentre inshallah au paradis. C'est ma'ruf, la ilaha illallah, elle a des shurut. Et parmi ces shurut, c'est que tu mécrois du ta'rut, c'est-à-dire tout ce qui est adoré en dehors d'Allah azawajal parmi les doctrines akhiri. Et parmi ces choses-là, al-ba'thiyah, c'est-à-dire le communisme. Il n'a pas été connu que Saddam Hussein, il a fait une tauba sur cette chose-là, c'est-à-dire de manière public, il n'a pas été connu. Donc il y en a pour qu'on puisse juger de l'islam de cette personne-là, après la certitude qu'on a eue que l'âme elle était sur la mécréance, il faut que vraiment il fasse tawba, tawba de cette chose-là. Mais ça ne suffit pas qu'il dise la ilallah. C'est comme celui qui adore les tombes, et il dit la ilallah. La ilallah, ce n'est pas profitable que si jamais tu mécrois au ta'arud. Comme a dit le Messie, « Man qala la ilaha illallah wa kafara bima ubida min duni, dakhala al-jannah. » Celui qui dit la ilaha illallah et mécroit de tout ce qui a été adoré en dehors d'Allah azawajal, at-tahud, il rentrera au paradis. Donc le fait de dire que c'est un musulman parce qu'il a dit la ilallah, ça c'est une chose qui a été prétendue. Et kadhalika, le fait de dire qu'il a une dévotion dans l'adoration, il lisait beaucoup le Coran, ça c'est ma'ruf. Al-hasanat, tudhib sayyad, c'est-à-dire on enlève les petits péchés par les gros péchés. Et la ridda, c'est un gros péché. Donc il faut faire vraiment tawbah pour ça. Disparaître. Pour revenir à cela, c'est pour dire que Al-Yaqin, c'est qu'il est mort sur la mécréance et il n'y a rien qui prouve qu'il a fait Tawba de la Ba'thiyah. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire prévaloir le doute sur la certitude. Ça, c'est parmi les exemples kadhalika qui sont évoqués à cette qa'ida là. Kadhalika min al-amthila ala dhalika, man kana ala tahara. Celui qui est sur Naam qui a fait ses ablutions à la khiri, dans un état de pureté, et ensuite il a un doute. Donc Al-Yaqin c'est quoi? C'est qu'il a fait le wudu. Ensuite il est dans la prière, il a un doute. Est-ce que j'ai perdu le wudu amla? Tamla, il a un doute. Après avoir eu la certitude que qu'il a fait le wudu. Donc là, kadhalika, le mieux c'est qu'il refasse le wudu, mais nous on parle. Est-ce que c'est lazim alayhi? Est-ce que c'est obligé? Là. Pourquoi? Parce que là, il avait la certitude qu'il était sur Tahara, et là il a un shak. Est-ce qu'il a perdu le wudu? Est-ce qu'il est toujours à Tahara amla? Donc le chèque dans les cas-là, il ne peut pas être prévalu sur quoi? Sur la certitude, c'est-à-dire de dire qu'il n'est plus à la tahara. Dans les cas, mais l'amthila à la zalika, celui qui, mathalan, un chasseur, on va dire qu'il a trouvé sa proie, et avant de tirer, ou à l'arc, il dit bismillah. Et à ce moment-là, il y a un chien, mais ce n'est pas un chien de chasse, qui se lance aussi sur la proie, et tue le gibier, au fait, le chasseur, dans ce cas-là, il ne sait pas est-ce que c'est sa flèche ou bien la balle qu'il a tirée qui a tué le gibier ou bien c'est le chien qui l'a tué, Donc dans ce cas-là, c'est quoi? Il ne peut pas faire précéder, il ne peut pas dire que cette chose-là, ce gibier-là, il est halal. Pourquoi? Parce que il a un doute. Qui de la balle dans laquelle il a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Bismillah, ou bien du chien qui n'est pas un chien de chasse, l'a tué? Donc là, la bête, yani là, c'est les choses pour que tu puisses les autoriser, c'est-à-dire le gibier et la khiri, il faut que tu sois sûr d'avoir dire bismillah, c'est-à-dire d'avoir égorgé ou bien, quand c'est un cas comme ça, de l'avoir tiré avec ta balle, était sûr que c'est ta balle qu'il a touché et qu'il a tué. Donc là, il est dans le doute. On peut pas. Et la certitude, c'est quoi? C'est que ces choses-là, elle est haramun alayhi. À partir du moment que si jamais il a un dalil qui prouve vraiment que sa balle, c'est sa balle qui l'a tué. Donc dans ce cas-là, il ne peut pas faire précéder quoi? Le doute. À la certitude. La certitude ici, c'est quoi? C'est que le gibier, il est haram. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de preuve qui prouve que c'est sa flèche ou bien sa balle qui l'a tué. Donc il est dans le doute. Et le doute, il ne peut pas être prévalu sur quoi? Sur la certitude. Kazalika, parmi l'amsel ala zalika, on va évoquer 5. In Allah witrun yuhibbul witr. Man shakka hal salla arba'a aw khamsa. Tamam, il sait pas, il a la certitude qu'il a prié 4 ou plutôt 3 unités de prière. Il a un doute, est-ce que c'est 3 ou 4? Il est sûr que il a prié 3. Il a un doute sur la 4e. Est-ce qu'il l'a fait ou pas? Tamam, kazalika, il peut pas baser sur sa prière en disant que naam ou finir sa prière tout en prétendant qu'il a fait 4 unités de prière. Pourquoi? Parce que la 4e, elle est dans le doute. La 4e est dans le doute. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne fait pas précéder la 4e sur la 3e. La qui rajoute une raka'a. Parce qu'il ne peut pas faire prévaloir le doute sur la certitude. Il a la certitude qu'il en a prié 3. La 4e, elle est dans le doute. Donc le doute, il n'est pas prévalu sur la certitude. Et ça, c'est parmi les exemples. Et les exemples, ils sont nombreux. C'était juste histoire que... Alaykoum as-salam. C'est juste histoire que... la qa'ida, il y en a tattadih akthar. Qu'elle soit... bien compris, inshallah, auprès de tous. Wal adilla qui prouve la véracité de cette qa'ida là, et comme on a pu voir avant tout cela, qu'elle est kulliya, c'est-à-dire qu'elle ne souffre pas d'exception. Toutefois, qu'il a trouvé un doute, s'opposer à la certitude, tu ne fais pas précéder quoi? Le doute sur la certitude. La yazi le shak al yaqin, tamam. Et adilla qui prouve cela, qu'allahu subhanahu wa ta'ala, inna dhan la yughni min al haqqi shay'a. Dans cette ayah là, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait part que le doute et les pensées dans l'islam ne valent rien du tout par rapport au haqq. Les ulama, ils ont déduit de cette ayah là que le haqq, c'est quoi? C'est la certitude. Le haqq, c'est la vérité, la chose sur laquelle tu as une certitude. Et avan, c'est le contraire, c'est la chose sur laquelle tu n'as pas de certitude. Donc ils disent, dans cette ayah-là, il y a une déduction de cette qa'ida-là, qui est quoi? La yazi le shak al-yaqin. Lorsque tu as un doute, tu ne peux pas faire prévaloir sur quoi? La certitude kazalika, yani an-nawwan la yuhni min haqqi shay'a. À partir du moment où tu as la certitude, al-haqq, on peut te ramener tout ce qu'on peut te ramener comme doute et présomption et prétention, yani la yuhni min haqqi shay'a. Ça va ne servir à rien, et kazalika, al-shak lil-yaqin. Il ne sert à rien de le ramener parce qu'il ne sera pas prévalu sur al-yaqin. Wa min bab al-fa'ida al-dhann fi kitab Allah azza wa jal, tamam, il peut être interprété de plusieurs façons. Al-dhann, il peut être bimahana al-yaqin. Donc il faut faire attention. Ce n'est pas tout dhann qui est quoi? Un shak, un doute ou bien comment ça s'appelle, une erreur. Al-dhann dans kitab Allah azza wa jal, il a 4 sens. Ça peut être al-yaqin, ça peut être la présomption, ça peut être le doute et ça peut être l'erreur. قولوا سبحانه وتعالى الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. تمام؟ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. الله عز وجل يبارك في ceux qui font la prière. تمام؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. تمام؟ يبارك في ceux qui accomplissent la prière correctement. وإنه لكبيرة إلا على الخاشعين. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. Il dit ceux qui ont la certitude, ce n'est pas ceux qui pensent. Parce que le fait que tu as une présomption, tu as une forte présomption que tu vas rencontrer Allah Azza wa Jal, ça ne suffit pas. Ça ne fait pas de toi un musulman ni un mu'min. Parce qu'il faut avoir la certitude dans les affaires de la foi. Donc là, ce qui évolue ici par Van, Alladhina yadhunnuna, et qui ont la certitude qu'ils vont rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin, ça a été, le verbe qui est employé ici, c'est Van. Lakin pour l'yakin. قولوا سبحانه وتعالى إن ظن أن يقيم حدود الله. Ça y parle pour les personnes qui les époux, lorsque ils divorcent et ensuite ils veulent se remettre ensemble. Si jamais ils ont une présomption qu'ils vont bien se tenir ensemble et qu'ils vont établir les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur eux, dans ce cas-là, Allah azza wa jalla dit, ou plutôt il les exhorte à revenir et à relier les liens qui il y avait entre les deux, tamam. Et là, il a utilisé quoi? Le verbe « vanna ». Lakin là, c'est pas la certitude parce que tu n'as pas, tu ne connais pas le ghaïb, t'as même, tu connais pas le ghaïb. Lakin, tu as une présomption, t'as même, tu connais ta personne et la femme kadhalika connaît sa personne, et vous vous connaissez, vous vous êtes parlé, vous dites, naam, inshallah, on pense que tout va bien se rétablir et l'akhirhi, t'as même, c'est pas le yakin parce que tu n'as pas la, l'ilm fil ghaïb, tu connais pas l'avenir pour avoir la certitude que tout va aller bien si jamais on se remet ensemble. Lakin, là, ce qui évolue, c'est la présomption, t'as même. On a une forte présomption que si on se remet ensemble, tout va aller bien. Donc là, ce qui était employé comme verbe, c'est vanna. T'as même vanna pour ma'na, la présomption, la forte présomption. Qu'allu subhanahu wa ta'ala, inna dhunna illa vanna wa ma nahnu bi mustayqinin. On ne pensait que des pensées. Et nous n'étions pas, nous n'avons pas la certitude. Donc la kazalika, ça a été utilisé, le verbe vanna, lakin, pas pour la certitude et non pour la présomption, lakin pour le doute. Bidalil, qu'allu subhanahu wa ta'ala, wa ma nahnu bi mustayqinin. Et on n'était pas quoi? On n'avait pas la certitude, on n'était pas certain. Ça, c'est pour les personnes qui ont doute sur la rencontre d'Allah Azzawajal. Inna dhunnuna illa dhanna. On ne pensait que des pensées et on n'avait pas la certitude. Donc, la kadhalika, ça a été utilisé en dhanna. Pourquoi? Ashak. Pour le doute. Qalu subhanahu wa ta'ala, comme on a pu le voir à l'instant. Inna dhann la yughni min al-haqqi shay'a. Et kadhalika, inna ba'da dhann ithm. Ça, c'est pour l'erreur. Ça, c'est pour al-waham, comme ils disent dans la langue arabe. C'est-à-dire l'erreur. Elle ne sert à rien, tamam, et c'est un péché. Inna ba'd al-dhann ithm. Certaines des pensées sont un péché. Quelles sont ces? Pour ça qu'Allah Azza wa Jalla n'a pas dit inna dhann ithm. Pourquoi? Parce qu'il y a certains dhann, il y a certains dhunun qui est une yakin, certains dhunun qui est une présomption, certains dhunun qui est un shak. C'est pour ça qu'il a dit certaines des pensées sont des péchés. Pourquoi? Car il y a plusieurs catégories de pensées dans l'islam, tamam, et ils sont au nombre de quatre, comme on a pu les citer. Ça, c'est Mimba Belfaïda. Donc il faut faire attention, faire attention dans le kitab. Lorsque al-dhan il est utilisé, c'est pas forcément pourquoi, pour l'erreur ou l'akhirah. Kadhalika min al-adilla qui prouve la véracité de cette qaida là, qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, yani min as-sunnah, on va évoquer un dalil du kitab al-sunnah. Qawluhu sallallahu alayhi wa sallam fi as-sahihayn, ou qawlu ar-rajul li-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi as-sahihayn, annahu shaka ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ar-rajul yukhayyalu ilayhi annahu yalid ash-shay fi as-salah. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. Lorsqu'une personne était venue voir le prophète عليه الصلاه والسلام, il s'est plaint de ce que le shaitan il s'amuse avec un arabe de fi salah, en le laissant penser, en le laissant penser qu'il a perdu le wudu et l'akhirah, ou bien qu'il a flatulé les tamam. Et le Nabi صلى الله عليه وسلم dit il ne sort pas de la prière, parce que ces choses-là c'est des choses qui annulent la prière, tamam, il ne sort pas de la prière jusqu'à ce qu'il a vraiment entendu un bruit ou bien il a trouvé une odeur. Donc c'est-à-dire qu'il ne fait pas prévaloir le doute, c'est-à-dire qu'on lui fait croire qu'il a perdu le wudu, il ne fait pas prévaloir ce doute-là sur quoi la certitude. C'est-à-dire qu'il a la tahar, al-asl, c'est qu'il est rentré, il a fait, les ablutions avant cela, au préalable, il est rentré dans la prière, ensuite on lui a laissé croire, penser qu'il a perdu les ablutions. Ceci est un doute, on ne peut pas le faire prévaloir sur quoi? Al-tahara qui est quoi? La certitude. كذلك من الأدلة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث من شك في صلاته أصلى كذا وكذا أربعة أو ثلاثة أربعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فليطرأ الشك والنعم وليبني على اليقين أو وليبني على ما استيقنه رواه مسلم dans le hadith dans lequel il dit le serviteur dans la prière, il ne sait plus comme il a prié 3, 4, raka'a 5, tamam, le prophète صلى الله عليه وسلم dit qu'il doit bâtir le jugement de sa prière sur ce qu'il a eu la certitude et délaisser le shak. Quand la faliyat ra shak, il délaisse le shak et il base sa prière sur quoi? La certitude. Donc ça, c'est les adillah qui nous prouvent la véracité de cette qa'ida là. Et qu'à les cas que m'a dit le shaykh Naham Bassam alayhi rahmatullah dans Tawdih al-Ahkam, faqala kadhalika al-aqlu yadull ala dhalika, que la raison, la bonne raison, kadhalika, elle indique la véracité de cette qaïda là. Pourquoi il dit? Parce que c'est ma'ruf, al-shak, il est plus faible que quoi? Al-yaqin. Donc comment on peut faire prévaloir une chose qui est faible sur une chose qui est plus forte? Et ça, kadhalika, c'est min al-musallamat. Les choses que tu ne peux pas renier et rejeter. Donc, dalla ala sihhati hadhihi al-qaïda, al-kitab wa sunnah wa kadhalika al-aql. Le kitab et la sunnah et la raison prouvent la véracité de cette qaïda là. L'a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahou ta'ala, sahih ou al-aql salim la yata'arab ma'ash al-aql j'ai dit quoi, l'aql as-salim la yata'arad ma'a an-naql as-sahih. Les preuves à partir du moment qu'elles sont bien établies, si jamais tu as une raison qui est saine, tu as même dit la raison saine ne peut pas s'opposer au dalil qui est sahih, comme c'est le cas ici. Le ma'ruf, al-yaqin, il est plus fort que al-shak. Donc comment on peut faire prévaloir le shak sur al-yaqin? À travers ces adillas-là qu'on a pu citer, on peut voir que cette qa'ida-là, après qu'on ait pu évoquer qu'elle est kulliya, c'est une qa'ida qui est quoi? Qui est mustanbata. C'est une qa'ida qui est mustanbata et qui n'est pas mansoussa. C'est-à-dire que ce n'est pas l'intitulé d'une ayah ou bien d'un hadith parmi le kitab et la sunnah. Lakin, ça a été déduit des adillas qu'on a pu citer. Donc c'est une qa'ida qui est quoi? Kulliya, qui ne souffre pas d'exception. Et qui est quoi? Mustanbata, déduite du kitab et de la sunnah. Donc ça, c'était min bab al-umum pour évoquer cette qa'ida là. Al-yaqin la yuziluhu al-shak. Al-yaqin la yuziluhu al-shak. Ou ils disent al-shak ou la yuziluhu al-yaqin. Yani, les deux, kadalika, tu peux les employer pour la même qa'ida. Reste à élucider qu'est-ce que al-yaqin. Qu'est-ce que al-yaqin? Lorsqu'il dit al-shak ou la نعم يزيل اليقين ترجع الأحكام لليقيني ما معنى اليقين اليقين en français معروف c'est la certitude تمام لكن ce qui est voulu باليقين lorsque les ulama du al-qawa'id ils utilisent ils emploient al-yaqin c'est pourquoi une chose que dans laquelle tu n'as aucun doute تمام tu n'as aucun doute et كما يقولون يعني طمأنينة القلب على حقيقة الشيء c'est-à-dire que ton cœur il a pesé sur la chose sur la véritable identité d'une chose تمام il sait vraiment il n'a pas l'ombre d'un doute sur la chose qu'il a eu la conviction dessus. Tamam. C'est la conviction totale. Tamam. Et quand les cas, ça englobe al-yaqin, lorsqu'ils utilisent al-yaqin, ghalabatu dhann, c'est-à-dire la forte présomption. Tamam. Al-yaqin, ça peut être utilisé pour la certitude, et quand les cas, pour la forte présomption. Tamam. Donc, tanqasimu al-yaqin ila qismain. Haqiqatu al-yaqin wa ghalabatu dhann. والدليل أما اليقين كما نبلغه على طريق الأدلة، سرتو يعني حديث مسلم قال بسم فليتر الشك وليبني على ما استيقن قناه. Il a utilisé le verbe يعني استيقن قناه، c'est-à-dire avoir la certitude. Donc là la certitude, معروف le dalil de la sunna il est venu pour appuyer que نعم tu utilises اليقين. تمام. وغالبة الظن كذلك من الأدلة على ذلك حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيمين c'est-à-dire qu'ils ont rompu le jeûne pendant l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم était en vie en un jour tamam où il y avait غيمين on peut traduire cela par yani des nuages et l'akhir yani une chose qui t'empêche de pouvoir vraiment voir le coucher du soleil tamam. قال ثم طلعت الشمس. Et après cela, on s'est rendu compte qu'en vérité, le soleil n'était pas couché. Ils pensaient que le soleil s'était couché. Lakin, les nuages et l'atmosphère a fait que ils ont pensé. Ils ont la forte présomption, pas la certitude, mais la forte présomption que quoi? Que leur que le jour s'était achevé et que la nuit faisait part, avait fait part. Lakin, c'est une forte présomption. Pourquoi? Parce qu'ensuite, lorsque ce nuage-là et cette atmosphère-là, il est parti, ils ont pu voir qu'en vérité, le soleil il était toujours là et il ne s'était pas encore couché. Donc là, ils ont bâti quoi? Le fait de rompre leur jeûne sur quoi? Sur une présomption. Hein? Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas reproché cela. Lakin, après cela, dès qu'ils ont vu que le soleil ne s'était pas couché, ils ont continué leur jeûne. Hein? Summati musayyam ila al-layl. Ils ont continué le jeûne. Donc ceci nous prouve que tu as le droit. Hein? Tu as le droit de faire prévaloir, de mettre en application la forte présomption. Hein? À partir du moment où tu n'as pas la certitude. Amma si jamais il y a une forte présomption et il y a une yaqin, il y a une certitude et une forte présomption, ma'ruf, tu qaddam ash le yaqin ala na'am ghalabat al-dhann, la forte présomption. Ça c'est si jamais tu n'as pas le moyen d'avoir la certitude sur une chose et que tu as une forte présomption, kadhalika, dans ce cas-là, ash-shak, le doute, il prendra pas, na'am, il ne sera pas prévalu sur la forte présomption. Donc, lorsqu'ils disent ash-shak la yuzilu al-yaqin, c'est nazalika, il n'est pas prévalu sur la forte présomption si jamais tu n'as pas la certitude et kadhalika min bab awla tam que il soit pas prévalu sur quoi sur al-yaqin. Donc ça c'est une chose à bien savoir. Parmi les choses qu'il est bon d'évoquer qui fait partie de al-yaqin تمام خبر الواحد إذا كان ثقة تمام parmi les choses qui sont comptées comme une certitude تمام qui sont mis en application en vigueur le خبر l'information d'une personne qui est ثقة كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. Dans cette ayah là Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné les croyants lorsque leur vient une information, ça c'est al-naba, c'est-à-dire al-khabar an al-ghayb min al-mukhbir, c'est-à-dire on t'informe une chose que tu n'as pas témoigné directement. Il dit si jamais c'est un fasiq, un pervers qui vous ramène cette information là, fatabayyanu, soyez, il faut se rassurer, c'est-à-dire que si jamais il te ramène une information comme cela, il faut que tu te rassures vraiment, et que c'est une personne qui a un fasiq, il faut que tu te rassures. Est-ce que vraiment il a dit la vérité ou pas ? Qala Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, cette ayah-là prouve que si jamais c'est une personne qui est thiqa, donc, qui est qualifiée des critères de confiance, qui ne ment pas, tatma'in ilayhi al-nufus liqabul khabarihi, que les cœurs sont apaisés de prendre la parole de ces personnes-là, il dit dans ce cas-là, donc tu dois prendre la parole. Pourquoi ? Parce qu'Allah Azza wa Jal, il a seulement évoqué de se rassurer du khabar de l'information de la personne qui est qualifiée comme étant un fasiq. Et ils disent qu'à zalika celui qui est ma'ruf bil kadhib, tu ne prends pas directement de lui. Ama celui qui est thiqa, qui est connu pour les critères de loyauté et l'akhirhi, un adl, tu dois prendre de son khabar. Donc ça c'est qu'à zalika mimbab al-yaqin. C'est mimbab al-yaqin, une certitude. Si jamais il te ramène une information et que toi tu es dans un doute, tu fais prévaloir la parole de cette personne-là. Soit tiens, on va citer un exemple pour cela. Mathalan, la personne qui s'est endormie. La personne qui s'est endormie. Et pendant qu'elle s'est endormie, pendant la somnolence et la khiri, il a perdu le wudu. Il a perdu le wudu. La personne qui était à côté de lui n'a pas entendu le bruit et la khiri. Lorsque la personne-là s'est réveillée, il lui dit, Yahi, il faut que tu refasses le wudu, car tu l'as perdu. Dans ce cas-là, tu ne peux pas, toi, faire prévaloir ton jugement sur le sien. Pourquoi ? Parce que toi, tu étais dans une situation qui te met dans le doute. Et lui, il est qualifié des critères de quoi ? Des thiqa, qui font que tu dois prendre son khabar là. C'est-à-dire que là, tu dois faire prévaloir ton khabar sur le tien. Et là, c'est mimba ba'esh al-yaqin. Pourquoi ? Parce que tu es dans le doute. Et le khabar des thiqa, c'est une chose qu'Allah Azza wa Jal, il a ordonné de prendre. Donc, qui est comme al-yaqin, ou bien une forte présomption. Tu dois la prendre et ne pas faire prévaloir tes présomptions, ou bien tes prétentions sur la parole de cette personne-là. Pourquoi ? Parce que ta situation fait que tu es quoi ? Tu étais dans... fait de toi d'une personne douteuse sur ce que tu dis. Une personne peut ramener un ishkal sur le khabar de thiqa par rapport au hadith Zilyadayn. Zilyadayn, c'était le surnom d'un sahabi qui est connu dans une qissa dans laquelle Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait pris al-dhahar de deux rak'ah. Lorsqu'il a fait le taslim, il s'est retourné vers les prières et l'akhiri, et Dhul Yadayn lui a dit, Ya Nabi sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il y a une révélation qui est venue pour t'informer que la prière de Dhar elle a été diminuée de 4 à 2 raka'a, ou bien c'est toi qui as oublié? Faqala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Lam ansa ou ma nasitu wala nuqisat. Elle a ni été diminuée ni j'ai oublié. Donc dans ce cas-là, la personne peut dire mais kadal kadul yadayn, c'était une personne de thiqa. Lakin, Nabi sallam, il n'a pas pris son khabar directement. Pourquoi ? Parce que la situation dans laquelle se trouvait le prophète sallam faisait pas de lui une personne qui était douteuse de sa situation. Lui aussi, il avait une forte présomption que ni il avait oublié, et ni kadalika, il y a une révélation qui était descendue pour dire que salat al-dhahr, c'est deux raka'a. Donc là, c'est deux khabar, c'est deux yaqin qui s'opposent. C'est pour ça que Nabi sallam il l'a pas pris directement, mais ensuite il s'est rassuré auprès de Omar et Abu Bakr, et plutôt ils lui ont dit naham sadaqa dhul yadayn. Dhul yadayn, il a dit la certe d'ivresse, c'est à dire que ils ont appuyé la parole de dhul yadayn avec leur parole, qui ont fait que Nabi sallam il s'est retrouvé dans le doute. Donc là, il n'a pas fait prévaloir après cela sa parole. Pourquoi? Parce que il était dans le doute, et même il savait qu'il s'était trompé. Il s'était trompé. Donc ensuite, il s'est retourné vers la Qibla et il a rajouté deux rak'a pour compléter ce qu'il n'avait pas ramené. Donc il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition avec le khabar de Dhul Yadayn dans ce qu'on a pu voir dans Khabar al-Thiqat. Parce que là, c'était deux certitudes qui s'étaient opposées pour un petit et un court instant. Et ensuite, la parole des Sahaba, ils ont appuyé cette personne-là qui ont fait que c'était un yaqin contre quoi ? Un doute. Et qu'à tel cas, ça nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, c'est Mimbab et Tabriya, les Shaykhina. Mimbab et Tabriya, les Shaykhina, pour innocenter, Shaykh Yahya, hafizahullah ta'ala, lorsqu'il a déduit, et c'est une déduction qui est bonne et tirée du kitab de la sunna, et des paroles de ulama, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut se tromper tamam dans les choses qui ne sont pas relatives à la révélation, c'est-à-dire que la parole d'Allah azza wa jal, wala yamtaqu 'anil hawa, ça c'est pour les choses que Allah subhanahu wa ta'ala il lui a révélées. Tout ce qu'Allah azza wa jal a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas se tromper dedans. Amma les choses dans lesquelles une révélation n'a pas été descendue, il est possible au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il fasse quoi ? Un effort d'interprétation. Comme c'est le cas avec le hadith de Dunyadin. Ceci nous prouve bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un effort d'interprétation sur les mêmes et il s'avérait qu'il s'était trompé. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trompe, Allah azza wa jal fait soit descendre une révélation, comme c'était le cas de Abasa wa Tawalla, lorsqu'il s'est empressé de partir vers les riches, il avait laissé le pauvre. La révélation est venue pour rectifier l'erreur qu'avait fait le prophète dans son effort d'interprétation. Donc ceci nous prouve que tu peux faire un effort d'interprétation à partir du moment où tu es apte et tu as été habile à faire cela. Et si jamais ça s'avère juste, alhamdoulilah, et si jamais ça s'avère faux, tu rectifies cela. Et c'est le même cas pour le prophète, il fait des efforts d'interprétation dans les choses qui ne sont pas relatives à la révélation qu'Allah azza wa jalla lui a fait, il lui a descendu. C'est-à-dire que ça peut s'avérer faux et ça peut s'avérer vrai. Si ça s'avère faux, une révélation vient ou bien une situation fait que Nabi Sallam il va revenir comme dans le hadith de l'Yadin, ou bien si jamais ça s'avère vrai, Allah azza wa jalla il approuve cela. Donc ça c'est un dalil kadhalika qui nous prouve que il est possible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fasse des efforts d'interprétation dans les choses qui ne sont pas relatives à la révélation, et ça peut s'avérer faux comme ça peut s'avérer naam vrai. Donc ça c'est Mimbab al-Tabriya par rapport à la calomnie qui prétend sur le prophète sur notre shir hafizahullah ta'ala, qu'il dit qu'un Nabi Sallam il s'est trompé dans la révélation. Donc ça c'est du kadib ala al-shir, c'est du kadib, il n'a jamais dit ça. Al-khulasa de cette qa'ida là, al-yaqin la tuzilu al-shak, ou plutôt al-shak la yuzilu al-yaqin, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un doute et une certitude vont s'opposer, tu ne fais pas prévaloir le doute et kadalika. Si jamais un doute et une forte présomption vont s'opposer, tu fais prévaloir kadalika, tu fais prévaloir la présomption, la forte présomption. Et si jamais il y a une forte présomption et une yaqin, kadalika, tu fais prévaloir quoi ? Al-yaqin. Pourquoi ? Parce qu'il est plus fort que il est plus fort que la forte présomption, comme on a pu voir à travers la parole de l'imam Cheikh Abdullah ibn Bassam rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a dit que al-aql, al-aql, yani il prouve que al-yaqin il est beaucoup plus fort que quoi ? Que shak. Donc il nous montre, il nous indique qu'à partir du moment où tu as un indice qui est beaucoup plus fort que l'autre, tu fais prévaloir cet indice là à l'autre. Qala rahimahullah ta'ala, قال رحمه الله تعالى والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. Dans cette قاعدة là, plutôt dans cette abiyat là, dans ce vers de poésie, l'imam As-Sa'di alayhi rahmatullah il rajoute كذلك une nouvelle قاعدة. Une nouvelle قاعدة qui est connue sur le nom de al-bara'a al-asliya, c'est-à-dire connaître la nature des choses et année sur la nature sur laquelle l'année elles ont été créées. Et Katalika, ils appellent ça Katalika al-istishab. Al-istishab, c'est quoi ? C'est de faire perdurer un jugement. La nature d'un jugement, tu le fais perdurer à partir du moment qu'il n'y a rien qui ne dévie ce jugement-là de sa nature-là. Al-istishab, Katalika, ils appellent ça Bara'atu al-asliya. Dans ce vers-là, Al-Mu'allif, rahimahullah ta'ala, nous fait part que la base ou la nature de nos eaux, c'est quoi ? At-tahara. C'est la pureté. Qala wal ard wa thiyab wa al hijara. Kadhalika al ard, les terres et al thiyab, les affaires, wal hijara. Les pierres et les rochers et tout ça, montagne. Il dit al asl fi hadhihi al ashiya, la nature de ces choses-là, c'est quoi ? C'est at-tahara. Al asl dans ces choses-là, c'est at-tahara. Donc il nous montre à travers ce bayt-là, une nouvelle qa'ida qui est en vérité une filière de la qa'ida qu'on a pu voir à l'instant, al-yaqin la yuziluhu al-shak, kadhalika huna al-bara'atu al-asliya, c'est-à-dire lorsque tu connais la nature d'une chose, tu ne peux pas dévier de son jugement là, du jugement de cette chose là, que si jamais tu as un indice qui prouve cela. À partir du moment où tes mains sont dépourvues d'indices et de justificatifs et d'arguments, c'est-à-dire qu'on reste sur quoi? On reste sur la nature innée de cette chose là. La nature de cette chose là. On ne peut pas le dévier sur notre chose à partir du moment qu'on a une preuve kadhalika, al-yaqin. Tu ne peux pas le faire prévaloir par une chose sur laquelle qui ne sert à rien, même qui n'a pas la possibilité de pouvoir être prévalu sur la certitude. Kadhalika, al-bara'a al-asliya, et kadhalika, al-istishab. Al-Sheikh, yani, il nous a évoqué cela, cette qa'ida-là. Wa mimma yadul ala ma qalahu Sheikh, d'une manière générale, قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. Dans cette ayah là, Allah Azza wa Jal nous fait part qu'il a créé pour nous les choses qu'il y a sur la terre. En intégralité, toutes les choses qu'Allah Azza wa Jal a créées pour la terre, sur la terre, il les a créées pour nous. Et les ulama ils disent, ils ont déduit de cette ayah là, que l'asl fil ashiya, la base dans les choses, c'est quoi? Al-ibaha, c'est que c'est autorisé de t'adonner à ces choses-là, et qu'à les cas, que ces choses-là, elle est quoi? Elle est tahir. Ces choses-là, elle est tahir, elle est pure. Pourquoi? Parce que le fait que Allah Azza wa Jal, il nous a créé ces choses-là pour nous, et c'est ma'ruf, Allah Azza wa Jal, il veut pour nous le bien, yuridullahu bikum an yusra, la facilité. Il veut pour nous le bien et la facilité. Donc le fait qu'il nous ait créé ces choses-là pour nous, en intégralité, il dit les ulama, ceci nous prouve que ces choses-là sont autorisés, sinon Allah Azza wa Jal les aurait pas créés pour nous. Et kadhalika qu'elles sont pures. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, si jamais à partir du moment où il crée une chose pour nous, c'est que elle est pour s'y adonner et pour en profiter. Et Allah Azza wa Jal, il ne fait pas profiter d'une chose qui est quoi? Qui est khabitha, qui est mustaqbaha, mustaqdara. Les choses que les ibad y retrouvent une répulsion. Donc ceci nous prouve, comme l'ont évoqué les ulama, que l'asl fil ashiya kama qala al-Sheikh al-Sa'di alayhi rahmatullah dans son tafsir, il dit à travers cette ayah là, il dit cette ayah là nous prouve que la base des choses, c'est qu'elles sont pures et qu'elles sont autorisées, tamam, à partir du moment qu'il n'y a pas un dalil qui nous prouve le contraire, tamam. C'est à dire que ça, c'est la base de ces choses là. Si quelqu'un nous prétend l'inverse, c'est à dire qu'elle est impure ou qu'elle n'est pas autorisée, il faut qu'il ramène le dalil, tamam. Donc tu pourras kadhalika dans ce cas là, il ne pourra pas faire prévaloir sa simple parole sur la nature de ces choses-là. Pourquoi? Parce que ça, c'est la base de ces choses-là. On ne peut pas les dévier de leur nature que si jamais il y a un dalil. Que si jamais il y a un dalil qui prouve cela. Donc, kadhalika, ça rentre un peu dans la qa'ida. Al-yaqin, la yuziluhu, ou la yuziluhu shak. À partir du moment que tu as la certitude sur une chose, tu ne peux pas la faire prévaloir, ou plutôt le doute ne pourra pas être prévalu sur ces choses-là. Kadhalika, wana. Ils ont évoqué kadhalika par rapport à la ayah huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, que ça c'est l'asl, que toutes choses qui se trouvent sur la terre, elles ont été créées pour nous, créées pour nous, c'est-à-dire autorisées et pures. Ça c'est la base de ces choses-là. La kinya, il faut savoir que ça ne veut pas dire que tu t'adonnes à toutes choses et tu dis bon, tout ce que je trouve sur la terre c'est autorisé, donc je m'y adonne et c'est pur, donc je peux le toucher, et la khairi, tamam. Ça c'est l'aslu fihi, c'est l'aslu fihi, là qu'il y a des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a interdites, et il y a des choses kadhalika qu'il a rendues impures, donc c'est pas toute chose. La base c'est que c'est pur et licite, là qu'il y a des choses qui sont quoi? Impures et qui sont illicites. Donc ceci, cette ayah là, ne prouve pas et n'indique pas et n'exhorte pas, n'incite pas les ibad à s'adonner aux choses et suivre leur passion, sans savoir yani, où est le haram du halal. Donc ça prouve, ou plutôt ça incite à quoi? À tloub al-ilm. Ça t'incite à tloub al-ilm parce qu'il y a des choses, et c'est la base dans les choses qui sont autorisées et qui sont pures, et tu as des choses qui sont quoi? Interdites et qui sont impures. Comme qu'a dit Jalla wa ala, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. Yani, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est venu, comme ça a été évoqué dans Sourate al-Araf, afin de nous évoquer les choses qui sont halal, des choses qui sont haram. Il autorise pour eux les choses qui sont bonnes. Donc il y a des choses qui sont quoi? Mauvaises. Wal khabith, c'est les choses qui sont muharram. C'est les choses qui sont interdites et dans lesquels tu vas retrouver une répulsion, une répulsion, comme le fait de manger, on va dire, on va prendre un exemple, Yannick et Baïd, le fait de manger un crottin, un crottin, Yannick, c'est une chose qui est muharram, le fait de le manger, et c'est mustaqbah. Yannick, qui mange ces choses-là, c'est une chose que les ibad, ils trouvent une répulsion, ça, ça nous montre que les muharram, ils ont des catégories. Tu as des choses dans lesquelles c'est muharram, laquelle la personne va trouver un plaisir, un shahawat. Comme c'est le cas, Yannick, de voler chez certaines personnes et azina, c'est muharram, il trouve un plaisir. Laquelle tu as des choses qui sont interdites, et dans lequel Yannick, tu trouves une répulsion, comme l'exemple que j'ai pu vous citer. Donc, ça, ça nous prouve qu'il faut tlub l'ilm, mais pas s'adonner aux passions, et se dire, Allah Azza wa Jal, il a créé la terre pour nous, donc je peux m'autoriser tout ce que je trouve sur terre-là. Il y a des choses qui sont interdites. Wa qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, inal halal bayyinun, wal haram bayyin, wa bayinahuma umurun mushtabihat, faman ittaqa shubuhat, faqad istabara dinihi wa ardi, wa man waqa'a fi shubuhat, faqad waqa'a في الحرام. تمام النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه ينقول bien que il y a un halal et il y a un haram. Il y a une troisième catégorie que voit umur mushtabihat que la plupart des gens ignorent. تمام la plupart des gens ignorent. Et l'asl fi ibn Adam c'est quoi? C'est al-jahl wa dhun كما قال سبحانه وتعالى انه كان ظلوما جهولا وكما قال جل وعلا والله خلقكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. تمام الاصل في الانسان c'est quoi? C'est l'ignorance. تمام donc il faut que il s'éduque et qu'il connaisse les choses afin de ne pas tomber dans ces umours-là qui sont mushtabihat. Que ni il ne connaît où est le halal du haram. Donc il faut qu'il tlub l'ilm afin de s'écarter du haram et de s'adonner au halal, ou sinon il va tomber dans la chose qui est quoi? Qui est haram. Le fait de s'adonner et d'avancer, de s'adonner à une chose dont tu n'as pas la science, ça va, c'est comme si jamais tu tombais dans le haram. C'est-à-dire, il ne sait pas où est le haram du halal, faqad waqa'a fi al-haram. Il est tombé dans le haram. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas, il s'est pas donné à ces choses-là, yani, à la basira. À la basira. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ne suis pas les choses dont tu ignores ou tu as pas de science. Donc cette ayat-là, et cette qaïda-là, nous prouve que lorsqu'il est prétendu le contraire d'une chose dont la base est ma'ruf qu'elle est licite et qu'elle est quoi? Une âme pure, il faut que c'est lui qui ramène le dalil. Même si deux personnes. Polémique même sur le jugement de l'eau. Est-ce qu'elle est halal ou bien est-ce qu'elle est haram? Le fait que tu t'accroches à cette ayah là, toi tu as la preuve. C'est à lui de ramener la preuve. C'est pas à toi. Maintenant il te dit c'est quoi le dalil que l'eau elle est pure. C'est pas à lui de dire ça. L'eau elle est pure, aslam. Ça c'est la base. Mais c'est à lui s'il prétend qu'elle est impure de ramener son dalil. Et le fait qu'il ramène pas de dalil, ce sera lui, Yannick, qui sera jugé comme menteur. Amma à toi. Tu n'as rien, pourquoi? Parce que al-asl fil ashiya, c'est quoi? Al-ibaha. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est la faïda de quoi? De cette qaïda-là. Que la base des choses qui a été créée sur la terre, elle est licite et elle est pure, et celui qui prétend le contraire, c'est à lui de ramener le dalil. C'est à lui de ramener le dalil, et c'est pas à toi de ramener le dalil sur une chose dont la nature est connue. Donc ça, c'est la faïda de cette qaïda-là, et non pas de s'adonner à toute chose et suivre sa passion, et se dire, Allah Azza wa Jalla a créé la terre pour nous, donc on peut s'adonner à tout ce qu'on voit et tout ce qu'on trouve. Ça c'est là la faïda qu'on déduit de cette qaïda là. Ensuite al-mu'allif rahimahullah ta'ala, pour terminer, il a évoqué des exemples. Il a dit al-aslu fi miyahina at-tahara wal-ard wal-thiyab wal-hijara. L'eau, il a évoqué l'eau, la terre, les vêtements wal-hijara. Ça c'est minbab al-sabil al-mithal. Il a juste évoqué des exemples, c'est pas pour dire que c'est juste ces quatre choses là qui sont pures et licites. Laquine, c'est, il a juste voulu donner un exemple, même un exemple, afin que mieux cerner cette qaïda là. Amma al-dalil al-khas, le dalil khas qui prouve que al-ard al-tahira, qawlu subhanahu wa ta'ala, qawlu nabi sallam, ju'alati al-ard masjidan wa tahura. Nabi sallam, dans ce hadith là, il dit que la terre m'a été placée comme masjid, comme lieu de prostration et comme pour pureté, c'est-à-dire que tu peux faire les ablutions avec. Donc ça c'est un dalil qui est khas. Amma dalil qui est am, la ayah, comme on a pu le voir. Kadalika al-ma, il a évoqué le ma qui est tahir. Le dalil qui est khas, qui prouve qu'il est tahir, qu'oluhu sallallahu alayhi wa sallam, al-ma tahur, la yunadjisuhu shay. L'eau est pure et rend pure et rien ne peut la souiller. Et ce hadith-là, ma'ruf, il a des restrictions. Les vêtements, qu'oluhu subhanahu wa ta'ala, ya bani adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج من عباده والطيبات من الرزق. Dans cette ayah là, Allah Azza wa Jalla dit, il appelle la descendance d'Adam à prendre leurs vêtements lorsque ils se présentent à la mosquée ferme. C'est-à-dire, ils disent, c'est un dalil pour montrer qu'il y a, comme on a pu le voir, que tu dois prier et que tes parties intimes soient couvertes. Et un autre qui disent que tu dois prendre des beaux vêtements. T'as des beaux vêtements lorsque tu pries devant Allah Azza wa Jalla. Lakin al-shahid, yani ce qui nous intéresse là par rapport à la qaïda, c'est qu'Allah Azza wa Jalla dit après cela, كل من حرم زينة الله التي أخرج من عباده والطيبات من الرزق. Donc ce ayat là nous prouve que Allah il dit, yani qui prétend, yani interdire des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a autorisées à ses ibad parmi az-zina, c'est-à-dire les vêtements. Donc ceci nous prouve que le vêtement, à la base, tamam, c'est une chose qui est quoi, licite. Tamam. Ce qui prouve que celui qui vient et qui prétend que ce vêtement-là il est haram, ça lui de ramener dalil. Tamam. Ça lui de ramener ad-dalil. Wal hijara, les pierres, le dalil khas qui nous prouve que les pierres sont licites et halal, licites et plutôt et pures. Qul le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fi hadith al-Bukhari, an ibn Mas'ud, annahu amarahu an ya'tiya bi thalath ahjar. Lama, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait qada hajatah. Lorsqu'il était parti faire sa commission, tamam, il a demandé à Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui lui rapporte trois pierres. Tamam. Donc le fait qu'il lui a dit, va me chercher trois pierres afin que je puisse me purifier, ou plutôt enlever les souillures tamam, de ses besoins, le fait qu'il lui a dit ça, ça veut dire qu'il va s'adonner et il va toucher des pierres. Donc le fait qu'il lui a dit, prends-moi des pierres, ceci nous prouve que les pierres sont licites, tamam, qu'il peut prendre des pierres qu'il trouve où il trouve, et qui sont quand même des kaesh tahir, qui sont tahir, sinon le prophète il n'aurait pas dit de prendre des pierres. Tam. Ça c'est les adillah khassah qui prouvent que l'iskadi shir, ani sa'adi, comme quoi que l'eau, la pierre, les pierres, les vêtements, tam, et les eaux, tam, et l'ard, ils sont tahir, et qui sont licites. Tam. Donc ça c'est un résumé de ce qu'on a pu prendre aujourd'hui. Tam. Donc l'aslu fil ashiyat tahara wal ibaha. Ça c'est la base. Qui prétend que c'est impur et qu'il est illicite, il doit ramener le dalil. Il doit ramener la chose qui le fait sortir. Donc ça c'est ce qu'on a pu voir inshallah pour aujourd'hui. Wa naktafi bi hadha al-qadr wa nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima sami'na wa anzur aw an yarzuqana 'ilman yanfa'una wa sallallahu wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmid din wa jazakumullahu khairan wa assalamu 'alaykum wa rahmatullah وبركاته سبحانك اللهم استغفرك واتوب اليك مع تحية دمام أفاقكم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء إثعابي.